11h09, on se calme un peu. On parlait de poids. Un petit Gallagher avec un Coke, me semble, serait le fun. Puis, je vais peut-être la prendre poutinée, ma frite. Ah ouais, en plus? Ouais. Oh. Non, mais il a l'air costaud, le burger Gallagher. Ouais, peut-être. Trois on va prendre la poutine pour apporter. Trois boulettes puis bacon. Malade d'un doggy bag. Corinne Voyer est la directrice de la Coalition québécoise pour la problématique du poids. Et eux autres sont vraiment pas contents, là, que McDo s'associe avec le Canadien de Montréal et avec en particulier deux joueurs, soit Daniel Brière et Brandon Gallagher, pour une campagne de publicité et offrir des repas à leur image aux clients de McDo. Elle est en ligne. Madame Voyer, bienvenue dans Montréal Live. Bien, merci. Bonjour à vous deux. Bonjour. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec ça? Qu'est-ce qui vous choque? Ben, en fait, ce qui nous choque, c'est que McDo utilise des héros pour attirer une jeune clientèle dans ses restaurants. Puis, on sait que les héros, de plus en plus, ont pas mal plus d'influence que les propres parents de ces jeunes-là. Donc, le DG de McDo aurait dû dire autour de la table, ça nous prend des losers. Ben, pourquoi pas? Hein? Arrêtez, voyons donc, c'est pas sérieux ce que vous me dites là. Mais non, mais ce que c'est des compagnies qui veulent s'associer avec des vedettes, là. C'est pas très nouveau, là, comme concept, là. Non, mais avec la problématique d'obésité qu'on a au Québec présentement, nous autres, c'est sûr que ça nous préoccupe de voir qu'on est enseveli de publicité de malbouffe, puis que toutes les industries actuellement utilisent les tactiques les plus virulentes possibles pour continuer d'avoir une clientèle fidèle, alors que c'est de la nourriture qui est vraiment pas saine, qu'il faut pas consommer de façon quotidienne. Donc, on dit pas qu'il faut les interdire. Ouais, mais McDo dit pas qu'il faut les McDo dit pas qu'il faut les consommer de manière quotidienne non plus. Vous êtes d'accord là-dessus au moins, là? Oui, oui, mais quand on voit des pubs de McDo, trois quarts des publicités à la télé, c'est de la malbouffe. Fait que le message qu'on retient, c'est qu'il faudrait quoi? Manger trois quarts de malbouffe par jour? Mais c'est quoi de la malbouffe? On va définir ça avant de continuer l'entrevue, là. C'est quoi? Ben, c'est tout aliment qui a une valeur énergétique très élevée, très sucrée, très grasse, comme très quoi? Salée. Un burger, mettons, je me fais à maison. Le burger que je me fais à maison, une bonne boulette, là, avec du pain, puis du ketchup, puis des oignons, un petit cocon, puis de la moutarde, c'est ça de la malbouffe? Non, je pense pas que là, c'est sûr que c'est difficile d'identifier chaque aliment, mais si vous le faites à la maison, votre hamburger, il risque d'être très bon pour votre santé. Parce que vous mélangez pas, vous allez utiliser des huiles meilleures, c'est pas frit à des hautes températures. Alors que McDo utilise des aliments qui sont, c'est pas de l'huile de canola nécessairement qui est utilisée, là. C'est de l'huile d'épinard. On est plus dans l'huile de palme. Ouais, c'est de l'huile d'arachide, ils font attention. Je suis conscient que ça pousse pas des arbres, les frites, là. Ça n'a jamais poussé des arbres. Ça, c'est des pommes de terre, je comprends, mais c'est des patates frites. On est d'accord là-dessus qu'on ne dira jamais en onde, il faut en manger quatre fois par jour, là. Mais en même temps, une question d'équilibre, Madame Voyer, ici. Au lieu de tenir ce discours-là, qui est à mon avis radical, pourquoi ne pas faire une promotion d'une diversité, dire un petit hamburger, ça tue pas personne, mais fais de l'exercice! Fais un petit peu de marche, fais de l'exercice. Je suis pas du tout contre ce type de message-là. Au contraire, c'est excellent d'y aller à petite dose. Mais ce qui arrive ici, c'est qu'on a des messages qui sont incohérents puis contradictoires. Je regarde la fondation du CH présentement qui fait de la promotion des saines habitudes auprès des jeunes. Puis en attendant, tu as deux joueurs du Canadien qui vont s'associer avec de la malbouffe puis qui créent des hamburgers à trois boulettes qui sont extra gros, extra géants. Qui conviennent pas nécessairement à une saine alimentaire. Oui, madame, je comprends ça, mais les jeunes, premièrement, vous avez dit en début d'entrevue, on utilise des vedettes pour attirer les jeunes. Là, jusqu'à l'âge de 13-14 ans, c'est très rare qu'un jeune va lui-même dans un McDo. Là. Normalement, il y a une unité parentale en haut de ça qui est supposée superviser ça. Là. Et au McDo, on fait des efforts quand même. Il y a des salades, et tu vois, ce matin, j'ai fait une nouvelle là-dessus. Il y a un professeur de l'Iowa qui a mangé pendant 3 mois au McDo. Il a perdu 37 livres, il a baissé son taux de cholestérol en faisant des choix intelligents. Tu sais, maintenant, faut aussi apprendre aux gens à réfléchir, exact, plutôt que d'interdire tout le temps puis de bannir. Ben, on vise pas que ce soit banni et interdit. Ce qu'on vise, c'est qu'il y a des publicités qui sont un peu plus responsables. McDonald's, il sait très bien qu'en s'associant avec des grosses vedettes, il va augmenter son chiffre d'affaires. Ben, c'est une compagnie. Le plus grand producteur de jouets. Il est plus gros que Toys R Us actuellement avec ses joyeux festins puis les jouets qu'il remet aux enfants. Ce sont des tactiques pour attirer les jeunes, pour que les jeunes après ça puis les enfants achalent leurs parents pour aller manger là. Puis après ça, ben là, le parent, ça devient tout un défi de gérer ça au quotidien. Tout un défi. Un parent avec ma culotte, là, il est capable de dire on va pas au McDo aujourd'hui, là. Voyons donc, là. Les parents, on n'est pas des tatas à temps plein toute la gang, là. Ben, à un moment donné, le McDo, on m'a dit, ça fait une maudite secousse qu'on n'est pas allé. Puis un moment donné, j'y vais. Puis c'est pas grave, on y va. Dans les joyeux festins, d'ailleurs, vous en avez contre les joyeux festins. qu'est-ce qu'il y a dans les joyeux festins? Je vais vous poser la question. Qu'est-ce qu'il y a comme aliment dans les joyeux festins? Exact. Ben, la plupart des menus proposent soit une frite, soit un hamburger qui est pauvre en nutriments. Il y a la boisson sucrée qui est valorisée. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ce qui est problématique dans joyeux festin, c'est qu'ils remettent un jouet avec le produit. C'est une réponse incomplète. C'est un lien qui est affectif avec cette bouffe-là. Ils ont changé les joyeux festins, madame, voyez. Je ne veux pas vous reprendre, là, mais ils ont changé. Moi, j'ai des enfants, j'y vais, ils ont changé. Qu'est-ce qu'ils ont changé dans les joyeux festins? Ben, je sais qu'ils offrent du lait, qu'on peut choisir le lait, qu'il y a un yogourt, mais le yogourt est rempli de sucre. Bon, c'est ça. Il est aussi sucré que, mais ce yogourt-là qui est choisi. Les pommes? Les pommes. Puis est-ce que votre enfant mange toutes les pommes? Tant mieux s'il y a des. Tout à fait, je suis obligé de leur demander. Non, ils ont mis des pommes. J'aurais aimé ça. J'aime ça. Un discours dosé. Tu sais, dire, bon, trois Big Mac par jour pendant 10 ans, c'est peut-être pas équilibré. Mais j'aurais aimé ça vous entendre dire aussi, en déplorant McDo, j'aurais aimé ça vous entendre parler des progrès que McDo a fait en modifiant son joyeux festin. Ils ont réduit la frite. La frite, elle n'a quasiment plus. Ils l'ont coupé de moitié. Le yogourt, ça, vous êtes pas assez contente, là. On dirait que vous serez jamais contente. Le yogourt, il est sucré. Les pommes, ça, ils donnent du caramel avec ça. Tu sais, à un moment donné, n'êtes-vous pas capable aussi de constater qu'il y a une certaine prise de conscience de McDo aussi par rapport à la santé des jeunes? Ben oui et non. McDonald's s'installe en face de chaque école secondaire presque au Québec. Ah, mais ils veulent des clients. Justement, ils visent la clientèle jeune. Donc, moi, quand McDonald's va faire des vrais progrès, je vais les applaudir. Mais pour l'instant, je vois plutôt des tactiques de marketing pour attirer encore les clients. Mais c'est normal. C'est une compagnie qui veut faire des profits. C'est à vous, comme lobby, mais surtout aux parents, d'enseigner comment se comporter en société en dosant le plaisir. Parce que si vous allez à l'épicerie, il y a moyen de faire une épicerie qui va être probablement encore plus calorifique puis plus engraissante que de manger au McDo, là. Tu sais, il y a moyen de manger plus santé au McDo puis d'aller à l'épicerie puis d'acheter juste des petits gâteaux Vachon puis du fromage gras puis des chips, là. Tu sais, à un moment donné, ça reste un choix de vie puis des choix d'alimentation. Quand tu fais ton épicerie, quand tu vas au restaurant, peu importe le puis à l'épicerie, je veux dire, il y en a là, des affiches de Sidney Crosby sur les sacs de chips. Puis, tu sais, à un moment donné, ça, on s'en sortira pas, là. S'il faut dénoncer à chaque fois qu'un sportif met son nom sur quelque chose qui est plus... Tu sais, du Gatorade, on s'entend qu'il y a du sucre là-dedans en s'il vous plaît, là, tu sais. Donc, à un moment donné, ça reste que les gens doivent réfléchir. Mais tout à fait, mais pour emmener les gens à y réfléchir, c'est en dénonçant des pratiques comme ça qu'on va pouvoir permettre aux gens de comprendre le message puis d'évoluer dans leur pensée. Donc, présentement, l'industrie agroalimentaire fait plus de publicité que des petits organismes comme les nôtres qui essaient de promouvoir la santé. Donc, on essaie juste de faire un contrepoids dans le message pour encourager les gens à y réfléchir à deux fois avant de, justement, se lancer à fond dans le McDonald's. Puis, en même temps, c'est un message que nous, on envoie à McDo pour leur dire, écoutez, vous avez aussi une responsabilité sociale comme entreprise. Le jour où vous allez comprendre que les jeunes, faut y aller à petite dose, puis qu'on va offrir des repas qui sont réellement sains, puis qu'il va y avoir des publicités qui vont être bien réfléchies puis destinées aux adultes, ben là, on aura une autre jasette ensemble. Parfait, merci beaucoup. Ben, je vous remercie, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Dévoilement de l'équipe Canada. Je regarde ça d'un coin de l'œil aussi, voir si ça arrive, là, cette affaire-là. On vient de parler avec la madame de la coalition québécoise sur la problématique du poids. Ça fait à peu près 4-5 entrevues qu'on fait avec eux autres. Regarde, une entrevue qui pourrait durer jusqu'à demain matin. Oui. On s'entend pas. Regarde, je respecte son point de vue. Mais je comprends juste pas qu'on considère les gens... Parce que c'est ça qu'on fait, là. Sérieux, on considère les gens pour des imbéciles. Oui. On considère que vous êtes des moutons niaiseux, puis vous êtes pas capable de... T'sais, vous allez quand elle dit, par exemple, quand... les parents ont de la misère à dire non à leurs quand enfants. Quand ton enfant va dire, papa, je vais aller manger au McDo, je m'excuse, mon enfant, on y va tout de suite, voyons. Et comme, tu sais, t'as pas faim ou t'as juste un peu faim, mettons, pour un filet de poisson, mais t'es un fan du Canadien, donc toi, le câble, tu vas te claquer... tu dis qu'il y a trois minutes, un Gallagher. Même si t'es un fan du Canadien, t'es niaiseux, donc t'as vu Gallagher. Ah, tu vas en manger 12. Puis Gallagher, il l'a dit, lui, il a goûté, il a dit, je mangerai pas ça tous les jours, là, c'est heavy, là, tu sais. C'est dosé, tu manges ça une fois, c'est le fun, c'est du donnant-donnant. t'auras toujours des vedettes de sport qui vont s'accrocher. Là, le yogourt, c'est pas correct, là. Parce que des yogourts sucrés, il y en a partout. Correct. Du Danone, des yogourts à boire, il y en a partout, le trop sucré. J'aurais aimé ça qu'elle salue le virage. Moi, j'ai fait le saut la première fois que je suis allé chercher les festins nouveaux genres, là, plutôt l'an passé. Joyeux festin. Parce que moi, j'aime ça ramasser les restants, là. Il restait 3-4 frites dans le sac. Non, mais c'est parce qu'il y a 3-4 frites dans le sac. Avant, il restait 3-4 frites dans le sac. Après, mon jeune ait mangé. Ouais. Mais là, il y a juste 3-4 frites dans le carton. J'exagère, mais à peine. Regarde, puis moi, là, honnêtement, là, j'ai tout repris. Tu sais que j'avais perdu beaucoup de poids, là. J'ai tout repris mon poids. Personne d'autre à blâmer que moi-même, que mon grignotage dans la nuit, que, je vais m'en prendre une autre assiette. Je suis le seul responsable. Il y a pas un Sidney Crosby qui m'a fait manger trop de beignes, puis il y a pas un Gallagher qui m'a fait manger trop d'hamburgers. Exact. C'est mes choix de vie. Je bouge pas assez, c'est ma faute. Exact. Donc, dévoilement de l'équipe. On est-tu rendu là? On peut y aller? Je vois pas de... On va faire une petite saucette, peut-être, tiens. On va faire une petite saucette. C'est partout, c'est sur toutes les chaînes d'information. Roberto Luongo. On y va. On va y aller, une petite saucette. Il est pas blessé, lui? From Anaheim, Anaheim Lake, BC, Anaheim, the Montreal Canadiens, Carey Price. Oh, Carey Price. Ben, parfait. Gars, faut faire une petite pause. Ils sont en train de le dévoiler. La liste est disponible un peu partout. Laurent la met sur le site. Et au retour, on aura Vince avec les analyses. Carey Price est là. Carey Price est là. Luongo, c'est pas une surprise. Mike Smith, le troisième gardien. Le gardien de Phoenix. Ça, c'est donc, c'est les trois gardiens. Donc, Fleury sera pas là. Fleury est pas là. Très courte pause. Ils sont en train de dévoiler ça. On vous donne la liste complète au retour, si possible. Ils sont en train de faire un striptease, là. Ils ont le tour. Un après l'autre. Ils ont le tour. 11h21, on revient tout de suite avec le line-up Sochi 2014.